Bosco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 17 juillet 2020. Voici les grandes articulations de cette édition. Plus de 10 000 restes de corps humains ont été exhumés dans la province de Gitega. C'est un bilan provisoire présenté ce vendredi par le président de la commission Vérité et Réconciliation. Vous entendrez les précisions de son président Pierre Claver Ndaïchariye dès le début de ce journal. Et le ministère du Commerce met en garde les commerçants spéculateurs sur le prix du savon fabriqué par l'entreprise Savonor et récemment subventionné par l'État. Le directeur général du commerce rassure que chacun y trouve sa marge bénéficiaire, depuis le grossiste jusqu'au détaillant. Et un élevage de porcs menace la vie des habitants du quartier Charama 1 en zone Kinama de la mairie de Bujumbura. Notre reporter Vestine Boutoyi les a rencontrés et a pu recueillir leur coup de gueule. Et des femmes membres des organes dirigeants des coopératives d'exploitation de l'argile et du sable en commune et province Muyinga sont fiers de leur contribution financière à la vie de leur famille. Reportage à suivre avec Mireille Kanyangé, de retour de cette province du nord du pays. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. La commission Vérité et Réconciliation a présenté son bilan provisoire de ses travaux d'exhumation dans la province de Gitega. Ce dernier fait état de plus de 10 000 restes de corps déjà exhumés. Dans une conférence de presse tenue ce jeudi à Gitega, Pierre Claver Ndaïchariye, président de cette commission, a déclaré que ce travail continue dans cette province. On l'écoute. A déjà fait en ce jour des exhumations de 12 643 personnes victimes des violations massives du droit à la vie, violations intervenues lors des périodes de 72, de 88 et de la période qui a suivi l'assassinat en octobre 93 de Son Excellence le Président Melchior Ndadaye. Dans ce travail de recherche de la vérité, les veuves et les orphelins témoignent et parlent à la CVR. Les prisonniers de Gitega qui ont échappé à la mort renseignent notre commission. Beaucoup de citoyens burundais et étrangers qui ont assisté à la mort des innocents contactent la CVR du Burundi. Lorsque nous évoquons ces chiffres, quand nous parlons de 19 fosses communes exhumées lors de l'opération Ruvuru, menée de janvier à mai 2020, et de 10 978 victimes exhumées, il s'agit seulement des ossements identifiables et reconnaissables que nous avons pu récupérer. Il y en a beaucoup qui sont devenus irrécupérables. Ils ont été tellement écrasés. Nous vous prions de considérer que nous n'avons pas totalement achevé l'opération Rubobu ou l'opération Gitega, car il reste encore des fosses communes à exhumer. Pierre Claver Ndaïchariye, président de la commission Vérité et Réconciliation. Le savon récemment subventionné par l'État doit être vendu à 150 francs burundais la pièce par le commerçant détaillant. Chrysologue Moutois, directeur général du commerce, déclare qu'après une visite au sein de l'entreprise Savonor, ils ont constaté que chacun garde sa marge bénéficiaire au regard de ce prix depuis le commerçant grossiste jusqu'au détaillant. Il ajoute que les frais de transport évoqués par les détaillants sont juste un prétexte puisque les grossistes et les semi-grossistes proviennent de toutes les provinces et quartiers. Chrysologue Moutois avertit que des sanctions sévères seront prises contre les spéculateurs. Suivez-le. Nous avons constaté que le savon, un carton de 48 pièces, coûte 5450 francs bout et ce carton est vendu au niveau des distributeurs agréés par Savonor et ceux-ci sont autorisés à vendre ce savon à 5750. Eux, ils sont autorisés à vendre, qu'ils ont acheté à 5750, à le vendre au semi-distributeur agréé au prix de 5750. Ces semi-distributeurs agréés peuvent le revendre aux détaillants au prix de 6050 francs le carton de 48 pièces. Ici, les détaillants, eux qui l'achètent à 6050 francs, c'est eux qui ont d'abord une marge que je dirais consistante parce que eux ils ont une marge de 1150 francs bout le carton de 48 pièces. Eux, ils revendent à 150 francs bout la pièce. C'est-à-dire ici, ils ont un carton qui peuvent revendre jusqu'à 7200. Nous demandons alors à l'administration, aux forces de l'ordre, qu'ils puissent nous aider et également à la population, qu'il y ait cet effort de la trilogie pour qu'on puisse surveiller que le prix pratiqué est celui reconnu par le ministère, mais également par Savonor. Ici, nous avertissons les commerçants spéculateurs. Nous n'allons pas tergiverser. Il y a des amendes qui leur seront infligées. C'était le directeur général du commerce, Chrysologue Moutoua. Un réfugié bénéficie de la nationalité du pays d'accueil en fonction du temps passé dans ce pays et quand les conditions de sécurité ne lui permettent pas de retourner dans son pays d'origine. C'est ce que déclare l'ambassadeur de Tanzanie au Burundi, Julie Elibari Kimaleko, le dit après que certains réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie aient récemment sollicité au gouvernement tanzanien de leur donner la nationalité tanzanienne. Suivez-la dans la traduction de Marie-Claire Kazeneza. Swala la wakimbizi kupewa uraia endapo ataomba, kuna mambo ambayo lazima yazingatiwe kabla mkimbizi hajapewa uraia. Pour que les réfugiés puissent bénéficier de la nationalité dans le pays d'accueil, quelques conditions sont exigées. Un réfugié bénéficie de la nationalité du pays d'accueil en fonction du temps passé dans ce pays et quand les conditions de sécurité ne lui permettent pas de retourner dans ce pays d'origine. Le travail d'octroyer la nationalité aux réfugiés se fait en se référant aux normes internationales régissant le statut des réfugiés et aux normes nationales. Ces lois sont claires. Elles précisent que les pays qui abritent les réfugiés doivent les sensibiliser de regagner leur pays d'origine dans le cas où la paix et la sécurité sont revenus. L'appel que je pourrais lancer aux réfugiés burundais, n'importe où ils sont, est de mettre en application le message du président de la République, Evariste Ndayishimiye, qui les a demandé de rentrer dans le pays. Comme la paix et la sécurité sont rassurées dans toute l'étendue du territoire burundais, ce serait mieux lorsque ces réfugiés regagnent leur bercail. Le gouvernement tanzanien va continuer d'appuyer le processus de rapatrier les réfugiés burundais en respectant les normes internationales. En clôturant, je demanderai au gouvernement burundais de prendre des mesures de renforcement de la sécurité en fait que les réfugiés qui retournent dans le pays puissent contribuer dans le développement du Burundi. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous l'avais dit dans les titres, en élevage porcin s'observe au quartier Charama 1 de la mairie de Bujumbura. Des riverains de cette localité se plaignent d'une mauvaise odeur émise par ces animaux domestiques. Ils expliquent qu'il leur est difficile de respirer le bon air. Par conséquent, ces riverains craignent des maladies qui pourraient sévir dans ce lieu si la situation persistait et demandent aux autorités habilitées de déplacer ces bêtes vers un endroit approprié. Les détails avec Vestine Outoy. L'espace dans lequel s'observe l'élevage porcin se trouve au quartier Charama 1 de la zone Kinama, mairie de Bujumbura, tout près de la route communément appelée Kurabiri, en face du mur de l'école technique entrepreneuriale Lumière d'avenir de Charama, était là qu'en sigle, à peu près à 500 mètres de la route nationale reliant Bujumbura et la province de Bubanza. Une des élèves de cette école technique indique qu'elle n'est pas à l'aise de voir l'élevage porcin dans ce lieu, car celui-ci est à l'origine d'une mauvaise odeur qui se répand dans leur salle de classe. Franchement, ça nous rend mal à l'aise quand nous sommes en train de suivre les cours. L'odeur désagréable émise par ces porcs complique notre respiration. Mis à part l'odeur nauséabonde, une autre élève de la même école évoque le manque d'hygiène dans les salles de classe construites en face du mur à côté duquel s'élèvent ces porcs suite aux asticots qui s'introduisent dans leur classe pendant la période pluvieuse. Quand la pluie tombe, les asticots provenant des excréments de ces bêtes s'introduisent dans nos salles de classe et amènent toutes sortes de saletés. Par conséquent, quoi que nous fassions, l'hygiène reste à désirer car ces asticots viennent incessamment. Un des enseignants de l'école technique Charama était là qu'en sigle et du même avis que ses élèves, étant donné que même les enseignants n'en sont pas épargnés. Il craint que les maladies dans ma salle puissent les attaquer si la situation persiste. Nous avons même avis que les élèves. Les mauvaises odeurs de ces porcs peuvent détruire la santé des élèves, même la santé des éducateurs. Au moment où ces habitants du quartier Charama, un de la mairie de Bujumbura, demandent la délocalisation de ces animaux domestiques vers un autre endroit, un des individus rencontrés dans l'endroit où s'élèvent ces porcs fait savoir qu'il est prêt à délocaliser ou à vendre ses bêtes au cas où il y aurait des gens qui se plaignent. Ces habitants du quartier Charama 1 signalent que ces animaux domestiques sont là depuis l'an 2017. Vestine Boutoyi. Et un autre reportage, on en parle des femmes se trouvant dans les organes dirigeants des coopératives d'exploitation du sable et de l'argile en commune et province Muyinga. Elles disent contribuer financièrement à la vie de leur famille. Ces femmes appellent leurs consoeurs à adhérer à des groupements de travail générateurs de revenus. Mireille Kanyange les a rencontrées. Violette Nshimirimana est vice-présidente d'une coopérative d'exploitation de l'argile et de vente des briques opérant au site de Nyamaso à la colline Burima de la commune Muyinga. Depuis 2017, les femmes se comptent à 2 sur 80 membres. Nous sommes encore peu nombreuses. Dans notre coopérative, on n'est que 2. Mais nous faisons de notre mieux. Ce travail d'exploitation de l'argile demande de la force et du capital. Souvent, les femmes n'ont pas ce capital, mais ça évolue. On continue en sensibilisation pour que d'autres femmes adhèrent. Mariette Niramheba, quant à elle, est la présidente d'une coopérative à Mahoro Rugari, exploitant du sable, à la colline Mourire. Sur 203 membres, les femmes sont au nombre de 133. Mariette affirme, mariée travaux ménagers et direction de la coopérative, les femmes parviennent à subvenir aux besoins de leur famille, dit-elle. Quand une femme voit qu'elle n'a pas assez de moyens, la coopérative vend le sable à la fin de l'année et nous partageons les dividendes. Cela participe à l'amélioration de la vie des ménages. Par exemple, il y a quelques jours, chaque membre a pu avoir 90 000 francs bout à notre satisfaction. Ces femmes se trouvant dans les organes dirigeants de ces coopératives appellent d'autres femmes à adhérer massivement pour l'autodéveloppement. Mireille Kanyang est de retour de Muyinga et dans la province voisine de Tchankouzo. Environ 1400 élèves de cette province vont passer l'examen d'État donnant accès à l'enseignement supérieur édition 2020. Depuis ce jeudi, dans les écoles à régime d'internat comme le lycée Muyaga, les élèves ont passé la première nuit à l'internat où ils vont passer 2 semaines de préparation à cet examen. À la direction provinciale de l'enseignement, l'on demande à ce que même les élèves externes se présentent à leurs écoles respectives pour que les professeurs n'ayant pas pu terminer les programmes puissent achever la matière prévue. Raymond Moudende. Dans les écoles visitées, le matin de ce vendredi, comme le lycée de Muyaga et le lycée communal de Tchankouzo, du chef-lieu de la province de Tchankouzo, on voit que les élèves sont en train de réviser la matière faisant objet à l'examen d'État édition 2020. Abbé Innocent Nimobona, directeur du lycée Monseigneur Joachim Luna de Muyaga, une école à régime d'internat, dit que dans le but de se préparer à l'examen d'État, les élèves vont passer 2 semaines à l'internat et cela depuis ce jeudi. Selon lui, cela permet aux professeurs de venir réviser la matière aux élèves et ces derniers de se concentrer efficacement sur les programmes prévus. Tanguy Lalondas, directeur provincial de l'enseignement à Tchankouzo, ajoute qu'à côté de ces écoles à régime d'internat, même pour les écoles à externat, la règle est la même, car les élèves doivent venir régulièrement aux écoles et les professeurs y passent pour accompagner les élèves dans les différentes révisions. C'est aussi, selon lui, une occasion d'achever les programmes pour ceux qui ne les ont pas terminés. Ainsi, des enseignants ont commencé à se présenter dans les écoles à l'examen d'État. Et au lycée communal de Tchankouzo, des enseignants affirment que c'est une occasion de renforcer la matière pour que les élèves aient une bonne place dans cet examen externe. À peu près 1400 élèves sont attendus dans toute la province de Tchankouzo pour passer cet examen externe édition 2020 et seront répartis dans 3 endroits, à savoir le lycée Muyaga, le lycée Murole et l'Itabu Kigamba. Depuis Tchankouzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond, toujours dans les nouvelles des provinces. Installation ce jeudi à l'hôpital de deuxième référence d'Ongozi dans logiciel, dans un des appareils permettant le dépistage du Covid-19. Le médecin directeur de cet hôpital tranquillise que bientôt le dépistage de masse va démarrer à Ongozi car le personnel est déjà formé. Pour Guillaume Naou Kouridiayo, seuls les réactifs sont en attente. Apollinaire Muzakara. Comme l'a dit Guillaume Nhaokuri Gayo, directeur de cet hôpital, ce dernier dispose de 10 appareils, le gène expert et le PCR, pouvant dépister le COVID-19. Un expert du ministère de la Santé publique a installé ce jeudi dans l'un de ces appareils, le gène expert, un logiciel qui permet le dépistage de cette pandémie en cause. Docteur Guillaume Nhaokuri Gayo indique que 5 cas de prisonniers suspects ces derniers jours testés à Bujumbura ont été négatifs au COVID-19. Mais d'après lui, cela ne signifie pas que cette province est épargnée. Seul ce dépistage de masse va montrer la réalité. Docteur Guillaume dit attendre seulement les réactifs pour entamer cette activité. Cela se dit au moment où, ces derniers jours, des informations faisant état de l'existence de cette pandémie de COVID-19 à la prison pour hommes de Ngozi, Sirikir de Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Le coronavirus toujours dans l'actualité. On en parle aux États-Unis avec ce record de contamination, 68 000 cas en 24 heures. Mais avant cela, toute personne est appelée à contribuer à la sensibilisation des Burundais en exil afin qu'ils puissent regagner le pays. Lors de la présentation ce vendredi des réalisations annuelles des ex-trois ministères regroupés au sein du ministère de la Sécurité publique, de l'Intérieur et du Développement communal, le ministre Gervain de la Kouboucha a précisé que cette sensibilisation concerne également les déplacés internes. Il met en garde les corrupteurs et les corrompus qui, selon lui, contribuent à la création des conflits dans les églises, les ONG et les associations. Suivez. Izo mpunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda kibanye ni bene wacu ni bavyara bacu turafisemo amacuti twese dufashe rero mu gusigurira abo bene wacu bari mu gihugu cy'u Rwanda kugira. Ces réfugiés burundais se trouvant au Rwanda, ce sont des parentés, des cousins, des frères. Notre contribution est nécessaire afin que leurs forces se trouvant dans les camps de réfugiés viennent au Burundi pour le développement du pays. Que tout le monde s'attribue cette sensibilisation. Pour ceux qui se trouvent en Tanzanie, je demande que les services de rapatriement soient appuyés et qu'ils conjuguent des efforts afin que les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie et dans d'autres pays, rentrent dans leur pays natal du lait et du miel. Le pays perd son honneur s'il y a des citoyens qui se trouvent en exil. Je crois que l'honneur du pays réside au rassemblement de ses citoyens dans le pays. Sur ce, il y a nos compatriotes qui se trouvent dans des sites d'eau déplacés. Nous sommes appelés à aider l'administration dans la sensibilisation afin qu'ils retournent dans leur ménage. Il y a ici des gens qui ne traitent aucun dossier sans percevoir des pots de vin. Chers employés du ministère qui rançonnent la population pour lui rendre service, tu n'as désormais plus de place dans notre ministère. Ces conflits au sein des églises ont des origines. Ils sont dus à la défaillance des fonctionnaires de l'État. Il y a des employés de l'État qui donnent des orientations officieuses aux associations et profite la fatigue du ministre pour signer, alors qu'il joue des deals, que ces deals s'arrêtent. C'était le ministre de l'Intérieur et du Développement communal ainsi que celui de la Sécurité publique, Gervais Ndirakobucha. Se prévenir contre le coronavirus doit se faire sans se passer de la lutte contre le paludisme. Dr Jérémy Ndaïzé est médecin-chef de district sanitaire de Matana, en province de Bururi, qui le dit. Conseille à la population sous sa responsabilité de ne pas se concentrer uniquement sur la pandémie du coronavirus, mais de poursuivre aussi avec la lutte contre le paludisme, qui était déjà une menace à la santé publique. Actualité internationale. Et c'est toujours le coronavirus dans l'actualité. Les États-Unis enregistrent un nouveau record de contamination au coronavirus avec plus de 68 000 cas en 24 heures. Plus de 3 500 000 cas de coronavirus avaient déjà été diagnostiqués dans le pays depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. Le nombre de décès sur les dernières 24 heures s'élève à 974 pour un total de 138 201 morts. Devenu l'épicentre actuel de l'épidémie dans le pays, la Floride a connu ce jeudi avec 156 décès, sa pire journée de la pandémie. Et les Nations Unies appellent Bangui ainsi que les pays voisins à redoubler d'efforts pour lutter contre ce qu'ils qualifient de menace à long terme pour la région. Surtout 6 mois avant l'élection présidentielle. Dans un rapport, le groupe d'experts de l'ONU chargé de contrôler l'embargo sur les armes en Centrafrique note en effet une recrudescence des combats, notamment dans le nord-est, nourris par l'arrivée de combattants et d'armes en provenance de l'étranger, venant grossir les rangs des groupes rebelles. Enfin, l'armée du Nigeria face à une épidémie de démission de soldats. Au moins 380 militaires ont collectivement décidé de quitter leur poste au début du mois. L'Assemblée nationale du Nigeria va ouvrir une enquête parlementaire pour comprendre ces démissions de masse dans l'armée. Depuis quelques mois, en effet, plusieurs militaires nigériens dénoncent ouvertement le manque d'équipement, la solde trop faible ou encore la corruption des officiers supérieurs. Une certaine démotivation serait donc à l'origine de leur départ. Autre raison de la colère évoquée, la gestion des opérations contre les groupes djihadistes comme Boko Haram. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Eric Ouimana. Au micro Jean Bosco d'Ouimana. Passez une très bonne journée à l'écoute de nos programmes.